J'ai connu des tas de garçons qui n'avaient de flamme que pour la boisson. Mais Brandy, c'est celui que j'aime. Il y en avait bien un autre, je l'appelais Jean. Il avait le teint pâle et mauvaise mine. Brandy, c'est celui que j'aime. Il y en avait un troisième, s'appelait Chéri. Il était rose et blond et doux comme une fille. Oh, Brandy, c'est celui que j'aime. Et puis un quatrième, je l'appelais Bourbon. Un peu sec à mon goût, il me donnait le bourdon. Non, Brandy, c'est celui que j'aime. Brandy est sage, il est fou, sombre et lumineux. Brandy est fort, il est doux. Brandy, c'est lui que je veux. J'ai connu des tas de garçons qui se saoulaient de gin ou de bourbon. Mais Brandy, c'est celui que j'aime. De rhum chauffe la tête, mais trop de brandy, ça vous met le cœur en fête. Et Brandy, c'est celui que j'aime. Il y en avait un cinquième, je l'appelais Rhum. Quand l'été venait, c'était un diable d'homme. Ouais, Brandy, c'est celui que j'aime. Le sixième, je l'appelais Porto. Il me jouait des tours pas très très beaux. Brandy, c'est celui que j'aime. Enfin, le septième s'appelait Whisky. Toutes les filles n'avaient Dieu que pour lui. Oui, Brandy, c'est celui que j'aime. Brandy est sage, il est fou, sombre. Je veux. Trop de rhum chauffe la tête, mais trop de brandy, ça vous met le cœur en fête. Oui, Brandy, c'est celui que j'aime. Brandy, c'est celui que j'aime. Brandy, c'est celui que j'aime.